BR Métal, avec 4 divisions, mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Olbeau-Mistassini. On va parler de hockey mineur Lac-Saint-Jean-Nord avec notre ami David Lamontagne. Salut David. Salut Danny. David, écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la ronde, il y avait une compétition à Normandin, là, c'était les novices. Comment ça s'est passé celle-là? C'était les pré-novices. C'était pré-novices, oui. Le festival pré-novices. Ça s'est très bien passé. Moi, j'ai parlé aux équipes qui sont allées. Il y avait juste du positif. Il y avait beaucoup d'activités pour les jeunes. Un beau comité organisateur. Puis j'ai juste eu des points positifs. C'est le fun. C'est le premier. Pour la plupart des pré-novices, c'est leur premier festival, le premier mini-tournoi. Ça fait que c'est bien plaisant. OK. Une réussite sur toute la ligne. OK. Donc, c'est qui a gagné? Ah, ben, je pense pas qu'il n'y a pas vraiment de gagnant dans le pré-novice. Ils jouent chacun, je pense qu'ils jouaient chacun deux ou trois matchs, là. Puis, OK. C'est pas vraiment un tournoi, c'est vraiment un genre de plus un genre de festival, là. Ouais. Ils jouent contre chaque équipe, puis. OK. Ouais. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Comment ça va du côté des castors? Ben, on va parler tantôt avec l'instructeur Olivier Boutin. On va également parler. Comment ça va avec les rapides bantam aussi? Rapides bantam, pour les castors, je vais laisser Olivier d'en parler. Mais pour les bantam, dernièrement, ça va très bien. Ils ont trois victoires consécutives, venir jusqu'à date. En fin de semaine, deux matchs dans la même journée contre Sept-Îles, qui viennent samedi. Ça va très bien. Les équipes sont quand même assez dans la Ligue Bantam 2B. À part Sept-Îles qui se démarque un peu, là, c'est pas mal. Chaque équipe bat pas mal les autres équipes. Il y a quand même une bonne parité dans les équipes. OK. Si on parlait maintenant du côté des arbitres, j'avais des problèmes d'arbitres aussi. Oui, on est en recrutement d'arbitres. On a un manque d'arbitres depuis 2 ans, puis ça va pas en améliorant. Fait que ouais. On est en recrutement. S'il y a des jeunes qui veulent arbitrer, des adultes qui veulent arbitrer, qui veulent faire un retour, je sais que là, il est supposé avoir une formation après les fêtes. Fait que c'est sûr que là, on fait des efforts, on essaye d'approcher des jeunes, on essaye d'approcher des anciens arbitres. Parce que c'est quand même problématique, veux pas, on a des matchs dans trois arénas. On a des matchs, beaucoup de matchs, c'est des fins de semaine qu'il y a beaucoup de matchs. Des fins de semaine de tournois. Fait qu'on a là, c'est pas pire. Quand on réussit à se dépanner avec les arbitres de Saint-Félicien, les arbitres, ben c'est quand même pas pire. Mais quand on réussit pas, ben ça peut aller jusqu'à annuler des matchs. Donc c'est sûr qu'on est en recrutement. Ça s'est déjà arrivé? C'est quand même oui, ça a déjà arrivé. Ça a failli arriver là, une semaine ou deux. OK. Donc, il y a des fois, il faut faire des pirouettes. Des fois, ça fait aussi que chaque arbitre, et nos jeunes arbitres, c'est les faire arbitrer peut-être dans des catégories plus hautes que normalement qui seraient supposées d'arbitrer. Ça fait qu'on est en recrutement. S'il y a du monde qui veut leur faire un retour, des adultes, on n'a pas beaucoup d'adultes. OK. C'est plus les adultes qui sont manquants. C'est pour les catégories bantam, midget, même junior. C'est quand même, il y a un gros besoin là-dedans. OK. Mais est-ce que c'est parce qu'il manque de monde ou encore, tu sais, l'histoire des jeunes, là, l'histoire du chiolage et ainsi de suite, là, c'est rien pour aider au recrutement, cela, là. Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Ben, c'est sûr. Faudrait peut-être le demander, mais il y a aussi, on voit plus, je ne sais pas, c'est quoi le phénomène ici. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, les arbitres, ils font des familles, ils ont des enfants, à un moment donné, ils ont leur vie aussi, là. Mais c'est sûr que le fait de se faire chialer après par des parents aussi, ben, c'est sûr que ça doit ben pas ouais. être. OK. Non, c'est parce que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être regarder, parce que quelque part, il y a peut-être des mesures à prendre si jamais il y a du chialage, tu sais. À un moment donné, ça peut pas faire autrement que ça décourage des gens, là. On a besoin d'arbitres pour jouer au hockey, on n'a pas le choix. Ouais, ça fait partie du jeu. OK. D'autres choses à mentionner, peut-être? Non, gros, c'est pas mal ça, Danny. On s'en reparle la semaine prochaine. Oui, on s'en reparle la semaine prochaine. On rappelle que la chronique est une commandite de BR Metal. Merci, David.